بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence, aux tolérances avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Sixième leçon. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin illa yawm al-din. Amma ba'd. Une précision sur une parole du Ders d'hier que j'ai écouté, pour pas que les paroles soient prises à confusion. Lorsque je faisais l'exemple des sœurs qui crachent, bien évidemment, cracher en islam c'est permis, c'est pas haram. Je précise. Quand je dis cracher, je visais par exemple une sœur qui crache un gros glaire dans la rue comme ça avec le bruit et tout. C'est ça que je voulais dire. Dans la rue comme ça, mathalan. C'est ça que je visais. Parce qu'à la base, on peut dire qu'une sœur qui crache, voilà, ça les. Quand je disais cracher, je voulais dire dans la rue, devant tout le monde, de façon un peu discrète. Bien entendu. En crachant en soi, il y a des adillets qui sont venus de cracher. C'est pas haram. Même des fois, l'être humain a besoin de cracher. Même un homme. Ah, tu parles de l'mouroua. Ça touche aux valeurs humaines. En arabe, ça s'appelle l'mouroua. Par exemple, tout ce qui khalif l'mouroua, c'est pas forcément dire que c'est haram. C'est une chose que dans un endroit, c'est mal vu. C'est mal vu. Mais ça dépend, ça joue de lieu en lieu. Mathalan, dans des pays, manger dehors, c'est mal vu. Ça joue dans ta mouroua. C'est-à-dire que demain, on dit tu manges dehors dans un pays où il y a plein de pauvres, devant tout le monde, c'est mal vu. Par exemple, à la base, c'est pas interdit de manger dehors. Mais là, dans ce hell-là, on va dire, t'as pas de respect pour les pauvres et quand tu fais ça, tu les tentes. T'as pas de rahma pour eux. Tu viens, tu manges devant eux alors qu'ils ont faim. Mange chez toi. Mange dans les lieux réservés pour manger. Tu manges dans la rue comme ça. Et ça, dans certains lieux, parce qu'il y a des pays qu'une femme qui crache, c'est rien pour eux. Tu trouves dans des pays, alors, des villages, des endroits, c'est normal pour eux. Ça va pas les choquer. Mais je sais qu'à la base, de là où nous on vient en France, une femme qui viendrait qui se mettre à cracher dans la rue, bon, aujourd'hui en 2015, je sais pas comment c'est, parce qu'ils ont eu tellement de modes différentes, tellement de choses bizarres qui sont dans leurs mœurs maintenant, mais de ce que je connais, une femme qui crache comme ça, de façon voyante dans la rue avec le bruit et tout, je sais que c'était mal vu à mon époque. Donc que dire d'une sœur en djilbab? Et tant même, et là il y a des sujets qu'on évoque dans ce livre qui vont se répéter par la suite. Car à la base, le cœur du livre, c'est expliquer le tassamouh, ce qu'on appelle l'indulgence. Ça va se répéter, il ne faut pas croire qu'à la dernière fois on en a parlé, on a terminé avec ça. Le terme indulgence, at-tassamouh, va revenir. Il va revenir avec d'autres réfutations par rapport à la compréhension à avoir de ce terme. Inch'Allah. Ce livre-là, à la base, je suis censé le traduire. Ce genre de livre en France, c'est censuré direct. Ce livre-là, là, ce genre de livre, qui te soulève des foules. Un livre comme celui-là. Hein? Là, au Yémen, il n'y a pas de censure. Mais ça, tu traduis en France, censuré tout de suite ce livre. Il l'appelle à la haine. Il parle sur les juifs, il parle sur les chrétiens, il parle sur les mécréants. Il ne respecte pas les religions des autres. Bien entendu, que le livre il va être censuré direct. Hein. Un livre comme ça, censuré tout de suite. Hein, que le mot djihad, c'est un mot tabou en France. Regarde, il dit quoi dans le livre? C'est quoi les échanges qu'entre nous et eux à la base? Tu mets ça là, c'est fini. Hein? L'appel à la science, et pas sûr de ce qui va en découler. Cela en fait partie. Un livre comme celui-là, demain tu fais une khutba en France, tu appelles, tu dénonces la mécréance des juifs et des chrétiens. Ta première khutba, c'est ta dernière, je pense. On dit que t'es nouveau, t'es un imam, tu viens d'arriver, tu fais une khutba virulente, machallah, tu fais l'alliance des aveux envers les mécréants, tu montes sur une barre, si tu peux redescendre, tu vas payer à remonter après. Donc hier, on avait pris quoi? Ma'na al-i'tidal, ou al-ma'na, aywa, al-wasatiyya, al-umma al-wasatiyya. Al-i'tidal, on avait dit quoi? Ikamat al-tawhid, c'est le fait d'appliquer le tawhid. Wa aksuhu, son contraire, c'est al-zulm. Wa al-akbar wa al-shirku. Et au sortir, on avait dit quoi? Que nous, la communauté de l'islam sera un argument sur les autres communautés. Du fait qu'ils ont le Coran. Ils viendront pour témoigner pour les autres anbiya. Wa alaykoum as-salam. Comme pour Nuh, alayhi salam, lorsque sa umma va le démentir, vont dire ma ja'ana min nadhir, sayuqal Nuh, man shuhuduk, sayakul Muhammad wa ummatu. Donc, wasata, c'est-à-dire que nous, par le haq que l'on détient, nous serons un argument pour les autres. Cela ne veut pas dire que la umma, tous les gens de l'islam, c'est les gens de juste milieu et de la justice. On a dit que non. Que la plupart des muslims aujourd'hui ne sont pas là-dessus. Mais que cette description, tu ne la trouveras que chez les musulmans. D'accord ? C'est eux qui renferment cette irtidaïl. Et le wasatiyya, elle est chez eux, pas chez les autres. Donc on dit umma dans une vision globale. Mais attention, ne pas penser que c'est chaque musulman qui a ça en lui. On dira même ce qu'on sent en eux, c'est une minorité en islam. Mais à eux tout seuls, ils représentent la umma. Car ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend du muslim, c'est eux qui l'appliquent. Quand on dit par exemple, hier je disais que les musulmans ne sont pas bien, dans le sens, shal'an, par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé et attend de nous, ils ne le font pas. Ou alors mal, ou pas assez. Donc par rapport à ça, hein? Non. Une nazar, un shal'a. Ada Ril Maghoul. Si on regarde pour une législation, on dirait que ces gens-là ne sont pas bien. Maintenant, c'est sûr que ce muslim-là, hein, malgré ses erreurs, malgré peut-être son égarement, malgré son laxisme, ses péchés, le Melakayama, s'il a c'est un mu'min, comme il se doit, c'est-à-dire sa hakida n'a pas été entachée par du kouf ou quoi, Inch'Allah, il Jannah. Et si Allah veut, il lui pardonne. Tatel Mashi'a. Et s'il veut, il le châtie. Mais quoi qu'il en soit, le plus mauvais des musulmans, le plus mauvais des musulmans, des mu'minis, des croyants, est meilleur que toute la terre entière de Kuffar. Ah ça, c'est un truc à savoir. Qu'on pourra critiquer nos frères, c'est vrai, reconnaître leurs erreurs, mais le plus mauvais d'entre eux, tant qu'il est musulman, mu'min, malgré toutes les perversions qu'il pourrait faire, tant que ce n'est pas du kouf, d'accord, que ça mène pas à ce que son hymen n'en soit entaché, il restera meilleur, d'accord, que tous les koufars de la terre réunis. Ça n'est pas oublié. Qu'il a une chose que les autres n'ont pas, al-tawhid. Je parle de cela, moi. Je parle pas de un qui se dit musulman, par exemple, et qui fait du shirk. Il va salat, il va voir les voyants, il va voir les marabouts, les gorges pour Allah, il insulte la religion. Non, je parle pas de cela, moi. Je parle d'un muslim mu'min, même s'il a des péchés, il n'est pas sorti de l'islam. L'islam est intact. Son iman est amoindri par ses péchés, mais il a toujours l'iman. Il a des actes, des œuvres. Il a les actes de l'islam. Mais en dehors de ça, il a des choses qui ne sont pas bien. Donc même le plus mauvais de ceux-là sera meilleur, car lui, même s'il est châtié un jour, sortira du feu. Le kafir ne sortira jamais du feu. Jamais sortira du feu. Min fadl al-iman, at-tawhid. Taïb, la nouvelle parole. Que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Que nous sommes plus en besoin à ce jour de faire preuve d'indulgence et de tolérance que nous l'avons fait auparavant. Cette époque, plus en besoin d'agir comme ça avec les koufars, bien sûr, on parle, que jamais on n'a été. Donc déjà, une parenthèse par rapport à cette phrase que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a une parole similaire. Il dit que la umma fi hadha az-zaman ahwaj lirifq min ash-shiddah. Que la communauté a plus besoin de douceur que de dureté, de rudesse. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il parle des muslimoun entre eux. Tab'an. Que demain, ton frère, on est dans une époque tellement dure, nous sommes tellement dispersés, divisés et affaiblis, qu'il faut attirer les gens vers nous. Les gens qui se pensent sur la vérité. Avant les salafs, ils avaient cette force, ils pouvaient faire encourir les châtiments sur les mukhalifines. Aujourd'hui, tu ne peux pas agir de la sorte. Tu ne peux pas faire cela. Il est dans des cas spécifiques. Donc aujourd'hui, bien entendu, il a plus besoin d'avoir de douceur tant que cela est efficace qu'auparavant avec nos frères, tant que cela est efficace. Après, si la douceur n'apporte pas ses fruits, tu passes à l'autre étape, celle de la dureté. Donc ces gens-là disent parmi leurs chebouhettes qu'en cette époque, on se doit d'être plus doux avec les koufars qu'on ne l'a jamais été auparavant. Du moins, indulgent, sociable avec les gens. Pas même. Donc le shir, Hafizallahu ta'ala, reprend cette parole en disant, cette fameuse parole de qui ? L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui disait l'an yuslih akhil al-di ummati ilema sallaha biha ou salaha biha awwaluha, qui ne pourra réformer les derniers de cette communauté que ce qui a réformé ses premiers. Wa qala azza wa jal was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه عد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Le fameux verset qui est parmi les preuves qu'il faut suivre, les premiers de cette umma, dans le sens où Allah dit que les précédents parmi les premiers des muhajirines, des immigrés, et ansar, ce qu'on appelle auxiliaire en français, et ceux qu'ils ont suivis dans la bienfaisance, que Allah les a agréés, et qu'ils agréent Allah. Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y demeureront éternellement. Et telle est la grande victoire. C'est la victoire. C'est rentrer au Jannah. Fawz al-Azim wa dukhul al-Jannah. وقال سبحانه وتعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع على سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Et que celui qui fait sécession d'avec le messager après que la guidée lui soit démontrée et qui suivit un chemin autre que les croyants, celui-là nous le guiderons vers l'enfer comme il s'est détourné, et quelle mauvaise destination dans le sens. Et ce verset également, d'accord, est une hujja sur wujub ittiba al-salaf al-salih min hadhihi al-umma. Car là, le sens voulu par Rasul des Mu'minin, c'était fassar par les Sahaba. Voyez, c'est expliqué par les Sahaba au salaf. Que tu suis une autre voie que celle du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celle sur laquelle étaient ses Sahaba, ses compagnons. Un autre schéma, cela t'amène à quoi au hadith des 72 sectes Taftariq al-Yahoud ila Ihda wasabin al-Furqa, Taftariq al-Nasara ila Thnatain wasabin al-Furqa, Taftariq adil umma ila Thalas wasabin al-Furqa, Kulwa finnar ila wahida. Wa qalu ma hiya, qalu qala sallallahu alayhi wa sallam Mana Ali al-Yum wa ashabi ou al-Jama'a. Que les juifs vont se diviser en 71 sectes, les chrétiens 72, cette communauté 73, et tous seront au feu, c'est-à-dire les groupes en soi, hormis un groupe. Qui est-il? Lorsqu'ils lui demandèrent qui est-il, il dit ce sur quoi je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Oh, il a appelé le groupe al-Jama'a. Et ce même hadith que l'on évoque aujourd'hui démontre ce qu'on disait hier, que la plupart de la communauté dans quoi aujourd'hui? 72 pour une qui est sur la vérité. 72 pour une. Et même ce groupe, on ne l'a pas dit qu'ils sont nombreux. Al-Jama'a katakun misnatayn. Ahata bi wahid li kanal al-haq. Comme le Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Al-Jama'a. Man wafaq al-haq walaw kana wahda. Le groupe, c'est celui qui coïncide avec la vérité, qui est tout seul. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qu'il dit dans le sens subhanahu, que ce que le prophète vous a interdit, ou plutôt ce qu'il vous a apporté, prenez-le. Ce qu'il vous a interdit, alors délaissez-le. Donc ces preuves sont là pour qui? Pour les premiers, comme les derniers, ça ne change pas. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai pas rejeté votre religion, ça ne change pas. Ça ne change pas, il n'y a pas de changement. On peut avoir, yani, un procédé légiféré, employé à un moment et pas à un autre. D'accord? Mathalan, al-jihad. Le jihad, c'est une chose légiférée qui existe. Et le jihad ne cesse pas. S'il n'y a pas les conditions remplies, on ne peut pas le faire. Mais il n'est pas délaissé, il est juste reporté au moment opportun. Tu comprends? Le jihad n'est pas aboli. C'est comme la hijra. Là, tu as de côté la hijra, hatta, tu as de côté la tawba. Voilà, tu as de côté la tawba, hatta, tu as de côté la shams, min maghribiha. Que la hijra ne cesse d'être en vigueur tant que le repentir est dans son temps d'acceptation. Et que tu peux toujours te repentir. Et que l'acceptation de la tawba est possible tant que le soleil ne s'est pas levé de son coucher. La hijra est continue. Maintenant, ça veut dire qu'une personne aujourd'hui est là. Il y a des gens qui ne peuvent pas la faire. Ils ne peuvent pas la faire. D'ailleurs, ceux qui la font sont une minorité également. Ça veut dire que pour autant, elle est finie. Elle n'est pas finie. Et encore, la hijra, c'est un truc individuel. Parce que tu as des gens qui disent aujourd'hui, c'est plus une époque de hijra. Il y a trop de modalités. Modalités à faire. C'est une époque des modalités. Tu es dans un pays, il faut que tu aies un passeport, il faut que tu aies une carte de séjour, il faut que tu aies ceci, cela. Disons aujourd'hui, cette époque-là, c'est pas une époque de hijra. On dit, ah bon, le hadith, là, il dit quoi? Là, tu as une carte de hijra. Elle ne va pas cesser. Elle est certes plus dure aujourd'hui, mais toujours faisable. C'est-à-dire, là, demain, avec ta compréhension, tu vas rester chez les koufars. Donc, si demain, tu apostasies, c'est quoi ton argument? Ou demain, tu... Allez, t'apostasies pas, mais tu dévis. Tu prends, tu accumules trop de péchés. Ton cœur devient dur, devient noir de péché, du fait que tu vives au milieu des gens qui en font. Le hadith est là pour te dire, y a pas, ça c'est pas, pas, faut partir, pas. Donc maintenant, pour revenir au jihad, le jihad, il a des shurut. On parle de jihad talab, je précise, non, talab, conquérir. Il faut avoir un émir. Que la jama'a soit soudée. Demain, un ennemi t'attaque chez toi. Tu dis non, il n'y a pas de jihad. Arrête, défends-toi. C'est un jihad. Difar. Difar. Tu te défends. C'est légiféré pour toi. Tu comprends? C'est légiféré pour toi. Maintenant, est-ce que ce jihad, il a lieu à chaque fois? À des moments, il l'est, des fois, à des moments, il ne l'est pas. Des fois, il y a, des fois, il n'y a pas. Ahmad Talab, pour l'instant, il n'est pas réalisable. C'est-à-dire qu'il est fini, qu'il est abrogé? Non. Non. Là, pour l'instant, il est juste suspendu, car il n'est pas réalisable. C'est tout. Mais on en parle toujours. Et on dit aux gens de s'y préparer. Tu comprends? Qui s'y prépare? Que les musulmans fassent les courses pour le jour où ils seront soudés avec un seul émir. Et là, ce jour-là, il n'y a plus d'excuses. S'il dit, sortez, on sort. Par quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith Al-Mughira ibn Shu'ba, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. Qui dit qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être apparent jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne alors qu'ils sont. Tu les vois. Cela démontre encore une fois de plus que nous sommes divisés. Donc ce n'est pas tout muslim qui est bien. Il a bien dit طائفة من أمتي. Un groupe de ma communauté. Il n'a pas dit ma communauté, il a dit un groupe de ma communauté. Manuhum, comme a dit l'imam Ahmed, hum al hadith. Wa qila al ilm. Wa al sunnati wa jama'a. C'est eux qui sont toujours apparents. Et tu regardes bien, en chaque époque, ils sont là. Les sectes sont là, mais elles changent. Elles prennent des usuls de celle-là, elles se mélangent avec celle-là. Apprennent un peu de salat, de salat, de salat, des cocktails explosifs. Mais le El-Sunna, il ne change pas. ils ne changent pas. Tu regardes bien, ils changent pas. Leur voix est la même. Du début à la fin, ils n'ont pas changé. Leurs références sont les mêmes. Leur compréhension est la même. Leurs oussouls sont les mêmes. Même leur apparence est la même. Et leurs ennemis sont les mêmes. Et les loudouls sont les mêmes. Quand tu notes sur quelqu'un aujourd'hui, tu vas prendre de qui en général? Des salafs. Ça ne change pas. Et même tu prends un savoir contemporain, lui-même, son rôle sera bâti sur les salafs. Il est à quoi les salafs? Car tout revient à une origine. Donc il n'y a pas de nouveau ménage à mettre en place, adapté à notre époque. C'est le même. C'est le même. C'est juste que des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, des procédés légiférés sont pliables à des moments et pas à d'autres. C'est tout. Des moments et pas à d'autres. C'est comme par exemple quelqu'un, je ne sais pas moi, il veut, il a Talabelem par exemple, c'est Moustamir, c'est continu, Talabelem. Et lui, il veut lire. Nafarin, il veut lire. Il veut lire. Il est chez lui. Coupure de courant. Bon, quand même, en France, il n'y a pas. Mais ici. Mais ici, c'est la catastrophe. Il n'a pas de keshef. Il n'a pas de pile. Il n'a pas de lumière, même pas de portable, rien. Il arrête de lire. Ça veut dire que tu arrêtes de lire pour deux jours? Non, ce soir seulement. Tu ne peux pas lire, c'est tout. Tu ne peux pas. Le livre, il est là. La lecture est toujours recommandée. Mais toi, maintenant, tu ne peux pas lire. Il fait noir, tu ne vois rien. Fais autre chose. Et demain, Inch'Allah, tu reprends ta lecture. Et c'est la même chose. Quand on te dit qu'une chose ne se fait pas actuellement, ce n'est pas à déterminer. C'est actuellement, il n'y a pas les causes pour la réaliser, c'est tout. Donc on dit, ferme ton livre pour l'instant. Si tu es un hafiz radia, fais quelque chose si tu ne veux pas dormir. Mais là, le lire, lire maintenant, tu ne veux pas, tu peux pas lire. Tu n'as pas de bougie, tu n'as pas de lampe torche, tu n'as pas de portable avec de la lumière, il n'y a pas de kahraba, tu n'as pas d'allumette, tu n'as rien pour pouvoir lire. Tu ne peux pas lire. Qaddar Allah ma sha fa'al. Mais la lecture n'est pas pour autant terminée. Elle est toujours là, la lecture. Le livre est toujours là. Tu n'as pas dit le livre, c'est bon, tu en débarrasses. Non, tu le gardes. Et demain, tu vas lire, Inch'Allah. Donc demain soir, tu auras de l'électricité. Taïeb. Donc, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas. Qu'il n'y a pas besoin de plus de risques avec les koufars aujourd'hui qu'avant. C'est la même chose. La seule chose qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas en mesure, là, actuellement, de faire un jihad. Talab. On ne peut pas le faire actuellement. Mais il n'est pas pour autant abrogé. Wa qala ta'ala, dhalika bi'anna Allah lam yakun mughayyiran ni'amah an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Et cela car Allah n'est tel point à changer ce qui un bienfait qu'il a accordé à un peuple que Allah n'a pas changé un bienfait qu'il a accordé à un peuple tant qu'ils n'avaient pas changé eux-mêmes. C'est-à-dire que le bienfait d'Allah a été changé quand eux ils ont changé. Hein? Et que Allah, certes, audient et omniscient. Et ce même verset-là est également un dalil pour ceux qui sortent contre les gouverneurs. Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala réforme le hell de ton pays, par exemple, avec un meilleur gouverneur, réforme le peuple. Comme dans Asal qui est venu selon Ali, qu'un homme il est venu se plaindre de son pouvoir. Que depuis qu'il y a Ali, le pouvoir ça ne va pas. Dans le sens. Ali lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit Ali? Tu as un gouverneur comme moi, parce qu'on a un peuple comme vous. Voilà, l'homme il lui a dit quoi? Il a dit, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas comme ça. Ou à l'époque de Omar ou Bakar, je ne sais plus, qui, c'était pas comme ça. Maintenant avec toi, ça a changé. Il lui a dit quoi? Ali, il lui a dit, à leur époque, c'est des gens comme moi qui étaient sur leur pouvoir. Donc ils avaient le gouverneur qui allait avec. À mon époque, c'est des gens comme toi qui sont au pouvoir. Donc tu as le gouverneur qui va avec. Dans le sens. Tu comprends? Que Allah va te mettre comme gouverneur ce que tu mérites. Ce que le peuple mérite comme gouverneur, Allah va leur donner. Donc c'est rien de crier gouverneur, al-hukam, kada, kada, kada. Le peuple, comment il est en premier lieu? Comment ils sont? Comment il est le peuple? Il est fatigué? Il aura un gouverneur qui va aller avec. Tu veux un nouveau gouverneur qui s'améliore? Change déjà ce qu'il y a en vous. Changez ce qu'il y a en vous en premier. C'est pas en changeant le gouverneur que tu changes la Oumma. Non. Le gouverneur, c'est un homme comme un autre. Même demain, il tombe, t'en as un autre qui vient derrière. C'est pire que lui encore. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, toi, te fatigue pas avec le gouverneur, en premier lieu. Commence par toi. Islah nafsik. Tu commences par ta personne, ta famille, ton entourage. avec les hukam, hukam, hukam. Ouais, et toi alors? C'est bien le hukam, et toi alors? T'en es où toi? Le Mekhiyama, il ne va pas t'interroger son hakim en premier. Sur toi, il va t'interroger. Tes péchés, pas les siens. À part si tu auras forcé de faire un péché, tu l'auras fait là, Adam. Qui fait comme péché, Arima Alek? Même comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Artum hakkohum, was'alullah, alazi wa alakum. Que rends-leur leur droit au gouverneur. Si que eux ne le rendent pas, demande à Allah ton droit. Toi, tu lui rends son droit, et toi, le tien, tu le demandes à Allah. Ça rien de t'en prendre à lui. Lui, Yom Kippour, il sera jugé pour avoir été un mauvais gouverneur. Et toi, tu seras jugé pour avoir été un mauvais gouverné. Et avant de vous gouverner, un mauvais musulman. Car tu n'auras pas été sur le chemin moustakim du fait que tu auras critiqué ton. Parce que pour toi, critiquer les gouverneurs. Chose qui, à la base, n'est pas permise. À la base, ce n'est pas permis. Ou du moins, ce n'est pas ton rôle à toi. Il y a des gens qui sont là pour ça. Les rois là-bas, avec une bonne tariqa, avec un bon conseil, une bonne façon de faire, que ce soit caché ou en apparent. Parce qu'il y en a un khilaf, il y en a qui veut. Le gouverneur, tu ne le conseilles qu'en secret. Pas forcément. Il y a des cas où un gouverneur peut être conseillé, on a, comme il l'a fait le sahabi, j'ai oublié c'est qui, lorsque Marwan a sorti le minbar pour faire la khutbah. Il a commencé par la khutbah avant le salat. C'était qui le sahabi, j'ai oublié, il l'a tiré pour lui faire comprendre que c'est la salat d'abord. Il n'y a pas de minbar. Je crois que c'est Saïd ibn Jubayr. Allah alam, j'ai oublié c'est qui. Il a tiré son vêtement quand il montait pour son minbar pour lui dire hey, c'est pas ça le. Il le dit quoi? Qad zahaba ma aishta ou ma qad alifta. Ce que tu as connu, c'est fini. Ce que tu as connu comme époque d'avant, ça a changé, c'est plus comme ça maintenant. Ce sahabi, comment il l'a fait? Il calme mon cœur devant tout le monde. Il l'a attrapé pour lui dire hey, c'est d'abord la salah. Et en plus, sortir le minbar, c'est une bid'a. Il a fait un cœur, d'ailleurs. En tout cas, il y avait un osl. Les sahabas ont réagi devant le gouverneur, devant l'émir, devant tout le monde. Sans l'insulter, sans être violent ni ce genre de choses, mais ils l'ont fait. Attendez, toutes ces preuves pour venir à dire quoi? Que les échanges à avoir avec eux aujourd'hui sont les mêmes qu'avant, dans ce qui est réalisable. On n'a pas de nouvelle méthodologie à avoir avec eux. Ce que dans le Coran, Allah nous a ordonné de faire, on doit le faire toujours. Les appeler au tawhid et se désavouer d'eux. Zahiran wa batinan. Et on n'a pas être plus doux avec eux. On n'a pas être plus doux avec eux. Ils des choses que nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire. Cela ne veut pas dire que tu veux être plus doux que les Sahalef qu'on était auparavant. Ton ennemi reste ton ennemi. L'ennemi d'Allah reste l'ennemi d'Allah. Un kafir reste un kafir. Taïb, autre point à citer, parmi ce qu'ils disent également, qu'ils appellent à ce que. Lorsque les koufars viennent en terre d'islam, dans les pays arabes, comme ils le précisent, qu'ils trouvent une paisibilité, dans le sens qu'ils trouvent un accueil convivial, chaleureux, qu'ils soient libres de ces actes, qu'ils ne sont pas prisonniers, ni offensés, ni sous pression, qu'ils puissent voir que sa religion également est respectée, soi-disant, que lorsqu'il arrive, il soit accueilli chaleureusement. Qu'il se sente chez lui quand il arrive. Lorsqu'il arrive, par exemple, il voit des minarets, des clochers. Des minarets, des clochers. À Salem. On dit, regarde, on vit ensemble, il n'y a pas de problème. Qu'il sente qu'il puisse vivre avec un musulman. D'accord? Qu'il se sente, comme on va dire, chez lui. Donc cela amène à quoi? Une tasouya entre les adiennes. Se rendre égaux entre religions. Donc là, Cheikh, il a ramené une parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, dans Iqtida Sirat al-Mustaqim. Excellent livre dans le domaine. Allah est celui qui lit ce livre, qui amène seulement à différencier la mise en garde entre le fait de ressembler aux koufars, tout particulièrement les gens du livre, dans leurs fêtes, dans leurs rites, dans leurs accoutrements et dans leurs mœurs. Ce livre, il est Allah Mabarak, excellent. Donc là, Cheikh a rapporté, pour répondre à cette parole-là, une parole de Cheikh l'Islam. On va finir par ça, Inch'Allah. Qu'il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, en page 75, 65 et 64. De quelle édition, je ne sais pas, il parle. Ça dépend des éditions. Qad ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil hikmati allati hiya sunnatuh. Wa hiya ishil'a wal minhaj alladhi shala'ahu lahu. Fa kana min hadhihi al-hikmati anna shala'ahu min al-a'mal wal aqwal ما يباين سبيل المغضوب سبيل المغضوب عليهم والضالين. فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في هذه وفي ذلك مفسدة لأمور. Donc il a dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la sagesse qui est sa sunnah et cette législation, cette voie, son menhaj, hein, et qui lui a légiféré des actes et des paroles par lesquelles justement il se distingue des mardoubin alayhim. C'est qui mardoubin alayhim? Les juifs, ceux qui ont couru la colère. Voilà, dans l'île, c'est qui? Les chrétiens. Et qu'il a ordonné de s'opposer à eux dans ce qui est apparent également. Et que cela, même si cela n'est pas apparu pour beaucoup de gens, beaucoup de gens n'ont pas sonné cela. Que la religion est venue pourquoi? Trancher et distinguer entre toi et eux, qui ont beaucoup de points. Tamam. Donc il dit minha, ay hadil umur, an المشاركة في الهادي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن اللابس ثياب العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس للثياب الجندي المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير تبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. Donc qu'est-ce qu'il dit? Que le fait justement de s'associer à eux dans la voie apparente, cela engendre entre les deux ressemblants, ça va coïncider. Entre toi et celui qui te ressemble, ça va coïncider. Vous allez être sur une chose similaire. Ce qui va amener à quoi? Vous êtes influencé par son comportement et ses agissements. Et cela est une chose qui est vécue. Par exemple, celui qui revêtit l'habit des gens de science sentira en lui comme une appartenance à ces gens-là. Il voudra leur ressembler. Il voudra faire comme lui. Il sentira qu'il a quelque chose. Tout comme celui qui met les vêtements du militaire, il dit. Il aura ce côté, tu vois, genre armé, discipline, côté guerrier, côté combattant. Il va le ressentir. Naam. Tout comme celui qui aura le vêtement connu pour être porté par les gens de science, s'imaginera comme étant une personne importante dans la science. Même s'il ne l'est pas, il sait qu'il ne l'est pas. Mais il va s'habiller, il dira, ah, j'aimerais trop être, tu vois, faire da'wa, apporter le khayr pour les gens, tu sais, avoir des marfouzotes, être manager pour la Oumma. Il va vouloir. Et celui qui met le vêtement du militaire, il dira, j'aimerais trop tuer les criminels, j'aimerais trop faire ce, cela. Ça va juste sur lui. Quand même, donc il a dit ça. Qala wa minha, anna al-mukhalafata fil hadi al-zahiri, tujibu mubayana wa mufaraka, tujibu al-inkita' an al-mujibat. عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. Par contre, le fait justement de s'opposer à eux dans cette voie apparente, cela amènera justement une séparation. Cela amènera une séparation, une coupure des choses qui engendre la colère et les causes d'égarement. C'est-à-dire la colère qu'ont encouru les juifs et l'égarement présent chez les chrétiens. Et une concordance avec les gens de la guidée et de l'agrément. Et que cela va t'aider à appliquer justement cette distinction que Allah a mis et cette interdiction d'aimer, ou plutôt cette distinction entre ses troupes parmi les gens qui réussissent et ses ennemis parmi les perdants. Le fait de ne pas leur ressembler, justement, va t'aider à te distinguer d'eux et ne pas les aimer. كلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني بمجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. Belle parole. Il dit, plus le cœur sera vivant et connaisseur de l'islam, c'est-à-dire l'islam, il ne vise pas par cela, l'islam qui est simplement apparente en vitrine, on va dire, et intérieure qui est qu'une simple croyance, d'ensemble que tous les musulmans ils ont en eux, cette chose qui est un minimum qu'ils ont en eux, qui ne suffit pas forcément justement à leur faire réaliser la différence qu'ils doivent établir entre eux et les koufars. Cet islam-là, la plupart des musulmans ils l'ont en général. Mais après il dit, justement, donc plus ils reconnaissent dans l'islam, et plus il aura cette sensation justement de devoir se différencier et de se séparer des yahouds et des chrétiens, des juifs et des chrétiens, en apparent et en intérieur. Cela sera plus complet en lui. Plus il connaîtra l'islam, plus il sera complet en lui. Et il parle de l'islam vraiment de façon approfondie. Connaître le pourquoi du comment. Comprendre les hikam dans les interdictions, lorsqu'il y en a une de connue. Lorsqu'une chose est interdite, il comprend la sagesse qui en découle derrière. Des fois, il y a des interdictions, on ne connaît pas la hikmah. Des fois, on ne la connaît pas. Des fois, on la connaît. Et plus tu la connais, plus cela t'aide à cerner ce qui est attendu de toi. Le pourquoi. Pourquoi tu fais cela? Et quand tu as compris une chose, quand tu l'as comprise, tu arrives mieux à l'appliquer. Et elle est plus agréable à faire. Agir sans connaître, des fois, c'est plus dur. Agir dans une situation sans connaître, cela est plus dur. Par exemple, demain, un exemple, un chemin que tu fais tous les jours. Tu connais bien le chemin. Il va paraître rapide. Tu le connais par cœur, tu le fais sans cesse, t'es habitué. Mais un chemin que tu ne connais pas, dis suis-moi, on va là-bas. Tu ne connais pas le chemin. Tu sais pas où tu vas. Ça va paraître long. On va là, viens, tourne à gauche, on va à gauche, tourne à droite. On va bientôt arriver, on va bientôt arriver, t'inquiète. Alors on continue, on marche. Tu dis, ah, c'était loin. Mais après, quand ce chemin-là, tu auras fait plusieurs fois, tu le connaîtras bien, il va paraître plus rapide. Masalan, tu vois ce que je veux dire? Pareil. Donc plus tu connais une chose, plus elle te paraît facile, et plus tu vas en voir le bout. Et tu sauras pourquoi tu fais ça, elle sera moins lourde pour toi à agir et à appliquer les ordres. Tu auras plus de irtisem. Et donc il dit également que tu seras encore plus loin également de leurs mœurs présentes chez certains muslimines. Parce que des muslims se sont imprégnés de ces gens-là. Des muslimounes, des muslims se sont imprégnés des juifs et des chrétiens. Ils ont pris des choses d'eux en eux. C'est des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que ça allait arriver. Hein? Tabaunna sunan man kana qablakum. وقيل له فمن قال اليهود والنصارى قال فمن إذن ils ont dit est-ce que c'est les juifs et les chrétiens qu'on l'a dit vous allez suivre les traces de ceux qui étaient derrière vous avant vous quitte à ce qu'ils rentrent dans un trou de lézard vous allez y rentrer vous aussi ils ont dit les juifs et les chrétiens il a dit et qui donc si ce n'est eux parmi les communautés antécédentes les juifs et les chrétiens donc plus tu vas connaître l'islam de façon approfondie plus tu vas en comprendre les sagesses, les objectifs, d'accord, les interdits, et plus il te sera facile de pouvoir justement endosser tout cela et agir de ça. Et voir le khalal, la faille chez les autres. Par exemple, demain toi, tu vas voir un musulman qui porte une casquette. Pour toi, c'est quelque chose de gros. Et un autre musulman, il va s'en rendre compte. C'est-à-dire, c'est une casquette, c'est tout, c'est pour, par rapport au soleil. Il n'y a rien. Diari, ce vêtement-là, c'est le vêtement des koufars. Il a une origine chez eux, et c'est un emblème chez eux, même à la base, aujourd'hui c'est une mode chez eux, qui ne doit pas leur ressembler. Il dit, c'est pour me cacher du soleil. Il dit, ben, prends le chabot, un truc qui n'est pas commun à eux, un truc qui est général, que tout le monde, tu vois. Mais il a la casquette en soi, hein, c'est vraiment une chose qui est propre à eux, ne la met pas. Il ne va pas s'en rendre compte, lui. Le pantalon, aujourd'hui, combien porte le pantalon? Nous, demain, on voit un frère en barbe, en pantalon, on est choqué, on est outré. On dit, A'oudhou billah, qu'est-ce que c'est laid, d'une part. Un frère en barbe avec un pantalon, qu'est-ce que c'est laid. Faut dire ce qu'il y a, c'est horrible, hein. Et en plus de ça, même pire que cela, là-bas, c'est un chapeau de koufa, franchement, sont mécréants. Il y en a, ils vont dire, mais c'est un pantalon, il est un peu large, on va penser à Aura, qu'est-ce qu'il y a. Tu dis, tu commences petit à petit, aujourd'hui c'est le pantalon, demain ça va être autre chose, jusqu'à ce que tu arrives à leur ressembler. Donc nous, on coupe là-bas la racine. Donc le musulman qui a une connaissance approfondie de l'islam, une connaissance approfondie, verra les choses comme les autres ne le verront pas. Le Han Basira. Donc pour finir, après il dit وَمِنْهَا أَنَّ مُشَارَكَتَهَا فِي الْهَادِي الظَّاهِرِ تُوْجِبُ الْإِخْتِرَاتِ الظَّاهِرِ حَتَّى يُرْتَفَى التَّمْيِيزِ ظَاهِرًا بَيْنَ الْمَهْدِيِّينَ الْمَرْدِيِّينَ وَبَيْنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ. Il est réel zalika min al-asbab al-hakimiyya. Donc il dit, et le fait justement de leur ressembler, d'être conforme à leur voix en apparent, cela implique un mélange apparent également. À tel point qu'il n'y aura plus de distinction apparente entre toi et eux. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, tu ne peux plus t'en rendre compte. Entre justement les bien guidés et ceux qui ont l'agrément d'Allah, et ceux qui ont couru sa colère, et les égarés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et autres parmi les causes de sagesse. Regarde aujourd'hui, comme on revient à ce qu'on disait hier, l'ensemble des gens dans, dans les pays d'islam aujourd'hui, leur apparence elle est comment? Ils portent la sunna? Qui sont les plus fréquents? Les barbus ou les rasés parmi les musulmans? Hein? Les barbus sont les moins nombreux. Et pourtant la base, c'est ça qui est attendu de nous, d'avoir une barbe. Bon, aujourd'hui la plupart des musulmans, ils sont rasés. Ou la moustache, ou taillée, ou fashion, de toute façon. Mais la vraie barbe islamique, la barbe naturelle, hein, ils ne l'ont pas. La barbe royale, al-malikiyya, je l'appelle comme ça. Hein, ils ne l'ont pas. Non, c'est moi qui dis ça. Ils ne l'ont pas. Maintenant, c'est une mode. Apparemment, en France, aujourd'hui, on m'a dit, c'est la mode, c'est la barbe. Mais c'est une mode. Donc là, tu verras des frères, ils n'auront pas de mal à se leur barbe. C'est comme nécessaire avoir les vêtements sous les chevilles. T'en as pour qui c'était dur, c'est pas beau. Quand la mode des pantacours est arrivée, hop, pantacours est arrivée, nif ce sac. Allez l'ami, regarde sunna. Ouais, mais pourquoi sunna? Parce que tout le monde le porte. Comme les couffins sont bien qu'une mode, tu la suis. Et bien maintenant, pareil, il y a la mode de la barbe. Ceux qui se rasaient, ils voient tout le monde à la barbe, c'est bon, je serai plus un intrus, hop, laisse sa barbe. Il dit, c'est bon, regardez, j'ai les fringes de la barbe, pourquoi t'as la barbe maintenant? Tu l'avais pas avant, parce que maintenant c'est devenu une mode, tout le monde l'a, donc tu te sens moins intrus. Mais à la base, sois un intrus justement, sois un intrus au milieu de ces gens-là. C'est ça qu'on attend de toi, que tu sois un intrus, tu ne te mélanges pas à eux, tu te distingues d'eux, c'est ça qui attend de toi. Toi tu fuis ce qu'on attend de toi à la base. L'islam ne te dit pas, mélange-toi aux gens, non. Mélange-toi aux gens du bien et ressemble-leur. Et éloigne-toi des gens du mal, ne leur ressemble pas. Naam. Donc le tachaboul boukoufar, il est en catégorie. C'est ce qui amène au kufr, le ressembler dans des rites. Il y a ce qui est péché dans des choses, et ce qui est makrour, ça dépend. Chacun en fonction de son niveau de degré d'interdiction. Tout n'est pas pareil. Mais à la base, le fait d'avoir un ensemble de koufar, à la base, c'est haram. C'est haram. Donc aujourd'hui, on a pris quoi? On a pris le fait qu'ils disent que aujourd'hui, on doit faire plus de preuves de douceur envers les koufars qu'auparavant. Qui veulent un changement dans le procédé à avoir. Hein? Et deuxième chose, égaliser entre nous et eux dans le fait qu'ils se sentent bien chez nous, pays d'islam. Donc cela amène à ce qu'on se ressemble, qu'on se mélange les uns aux autres. D'accord? Donc voilà. Fabien Delcord, on a tafi, on a coulé. Alhamdulillah, il a bien l'amour.